Oui, c'est Romain Gordon. Oui, prends trois étoiles. Oui, c'est Romain Gordon. Oui, pour trois étoiles. Oui, c'est Romain Gordon. Oui, pour trois étoiles. Contre son cul, on se sont vus débarquer en France avec une caisse allemande, une vodka orange pour les filles, trop de chaud. N'oublie pas que trop on a fait sort de l'eau, que trop on part trop. Pire que sur, je suis minot, je suis monté, je vais démonter, c'est d'un homosexuel, je sais, c'est mortel, je sais. Quand il en veut tu sais, tu le sais. C'est que trop de pluie part au galop, qu'elles sont montées au diesel. Dès que ça arrive, je me fais la belle, je sais que c'est cruel. C'est trop de puces partout galop. Qu'elles sont montées au diesel. Dès que ça arrive, je me fais la bague. Je sais que c'est cruel, je sais que c'est cruel. C'est trop de puces partout galop. Qu'elles sont montées au diesel. Et dès que ça arrive, je me fais la bague. Je sais que c'est cruel. On dit pas que le parc c'est devenu une forme de langage, et que trop de gens s'engagent. C'est écrit à mon arrache, la vie des hommes sauf en pagaille. Tes bagages, nique ta race, mais nous dégage. On lui pas qu'à ton âge, ma vie était pleine de son fils. Et c'est qu'aujourd'hui, je te méprise. Trop de bêtises, et pas assez de maîtrise. Trop de bêtises, et pas assez de maîtrise. C'est écrit trop de partout galop. Qu'elles sont montées au diesel, mais dès que ça arrive, je me fais la bête, je sais que c'est cruel. Oui, c'est Romain Gordon. Tous sont vus débarquer en France avec une caisse allemande, une vodka orange pour la fille. Trop, n'oublie pas que pour la fille, tant de l'or, trop partout trop. Dire que sur le cheminot, je suis monté, je l'ai démonté, c'est plein de l'eau. C'est cruel, je sais, c'est mortel, je sais. Quand ils m'ont dit le succès, tu le sais. Oui, c'est Romain Gordon. Oui, oui, c'est Romain Gordon. Oui, bon, toi, j'ai froid.